Le Mali n'a pas haussé le ton. Le Mali a réaffirmé ce que déjà on avait en tout cas demandé au médiateur togolais de transmettre aux autorités ivoiriennes. Des trois conditions, ce qui a été dit hier, effectivement, c'est la deuxième condition. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire de poser des actes allant dans le sens, en tout cas, du règlement de cette histoire. La première condition, c'était que la Côte d'Ivoire reconnaisse sa part de responsabilité, ce qui a abouti sans doute à la libération des trois dames qui étaient en détention. Et ensuite, d'autres conditions, il était question que la Côte d'Ivoire s'engage à œuvrer pour la paix. La Côte d'Ivoire a dit bien sûr vouloir s'engager à œuvrer pour la paix. Maintenant, la seule condition qui reste, c'est la matérialisation de ces discours. Afrique Média, le monde, c'est nous.